sur ta frange, poser ma tête sur tes mains, sur ta peau d'ange, rêve étrange, plus rien ne nous dérange. Liane Folie avec le titre Rêve Orange, comme je vous le disais, composé par André Manoukian. Passe aux anniversaires, ils sont nés un 9 avril 1933. Naissance de Jean-Paul Belmondo, acteur français. Je vais vous citer quelques films, hein. Je ne vais pas vous faire toute sa filmographie, sinon eh bien, on est encore là ce soir. On a pu le voir dans À double tour, À bout de souffle, Cartouche, dans le rôle de Louis-Dominique Cartouche, L'homme de Rio, Les tribulations d'un Chinois en Chine, Paris brûle-t-il, Borsalino dans le rôle de François Capella, L'incorrigible, Flic ou voyou, Le guignolo dans le rôle d'Alexandre Dupré, dans Le professionnel dans le rôle de Jocelyn Beaumont, L'as des as dans le rôle de Joe Cavalier, Le marginal dans le rôle du commissaire Philippe Jordan, Le solitaire, Itinéraire d'un enfant gâté dans le rôle de Sam Lyon qui lui a valu le César du meilleur acteur, Vu dans Les misérables de Claude Lelouch dans le rôle d'Henri Fortin alias Jean Valjean, et plus récemment dans Un homme et son chien de Francis Huster où il interprète le rôle de Charles. 1954, naissance de Dennis Quaid, acteur américain, vu dans Les Dents de la Mer 3, Bon baiser d'Hollywood, G.I. Joe, Le réveil du cobra, Footloose ou encore dans la série télé Vegas. 1957, naissance d'André Manoukian, auteur, compositeur, arrangeur et musicien français. 1965, naissance de Christian Jean-Pierre, journaliste sportif, animateur télé français qui anime depuis de nombreuses années maintenant l'émission Téléfoot. 1966, naissance de Cynthia Nixon, actrice américaine, vue dans Le Prince de New York, Amadeus, la série Sex and the City dans le rôle de Miranda Hobbs ainsi que dans les deux films. 1971, naissance d'Austin Peck, acteur américain, vu dans Des jours et des vies dans le rôle d'Austin Reed, As the World Turns dans le rôle de Brad Snyder, Charmed ou encore Les Experts Manhattan. 1979, naissance de Rachel Stevens, chanteuse et actrice britannique du groupe S Club 7, que l'on a pu voir dans la série du même nom. 1986, naissance de Leighton Meester, actrice américaine, connue pour son rôle de Blair Waldorf dans la série à succès Gossip Girl, apparue également dans Entourage, 24 heures chrono ou encore Les Experts Miami. 1987, naissance de Blaise Matuidi, footballeur français, professionnel depuis 2004. De 2004 à 2007, il a joué à Troyes. De 2007 à 2011, à Saint-Etienne. De 2011 à 2017, au Paris Saint-Germain. Et depuis cette année, il joue à la Juventus de Turin. C'est également l'année de naissance de Jesse McCartney, acteur et chanteur américain, vu dans la série télé Summerland, dans le rôle de Bradyn Westerly. 1990, naissance de Kristen Stewart, actrice américaine, découverte dans Panic Room, dans le rôle de Sarah Altman, vu ensuite dans Into the Wild, Panic à Hollywood, Jumper, on la connaît grâce à son rôle de Bella Swan dans la saga Twilight, vue par la suite dans Sur la route, Blanche-Neige et le chasseur dans le rôle de Blanche-Neige, ou encore dans le film Sils Maria dans le rôle de Valentine qui lui a d'ailleurs valu le César de la meilleure actrice dans un second rôle. 1993, naissance de Ryan Bensetti, acteur mannequin français qui a remporté la 5e saison de Danse avec les Stars. Au cinéma, on a pu le voir dans le film Tamara, dans le rôle de Diego, rôle qu'il reprendra d'ailleurs dans le deuxième volet, dont la sortie est prévue pour cette année. Actuellement au cinéma, on peut le voir dans le film La Finale, dans le rôle de JB, aux côtés de Thierry Lhermitte, vu dans le téléfilm Coup de foudre à Jaipur, dans le rôle de Ravi, dans la série télé Peps, dans le rôle de Benjamin Vidal, dans Joséphine Ange Gardien. Durant plusieurs saisons, il a joué le rôle de Dimitri Ferrand dans la série Clem. Et il est apparu également dans Nos chers voisins. 1998, naissance d'Elle Fanning, actrice américaine, vue dans Babel dans le rôle de Debbie Jones. L'étrange histoire de Benjamin Button dans le rôle de Daisy à l'âge de 7 ans. Dans Super 8, Twixt de Francis Ford Coppola. Maléfique dans le rôle de la princesse Aurore, la belle au bois dormant. Allez, on va faire une petite pause musicale avec le S Club 7 et leur titre Don't Stop Moving. Yeah, come on. DJ got the party started, there's no end in sight. Everybody's moving to the rhythm that's inside. It's a crazy world, but tonight's the right situation. Don't get left behind. I can feel the music moving through me everywhere. Ain't no destination, baby, we don't even care. There's a place to be if you need the right education. Club 7 avec leur titre Don't Stop Moving, ça rappelle pas mal de souvenirs. Il est presque 8h45 et il est temps pour nous de faire un petit point sur la météo. La météo. Alors, après un très beau week-end ensoleillé, on commence la journée sous les nuages, mais normalement, le soleil va nous accompagner quand même encore aujourd'hui. Des températures comprises entre 9 et 10 degrés ce matin, elles seront comprises entre 15 et 17 degrés cet après-midi. Pour mardi, ce sera plutôt une journée mitigée, hein. Des averses de pluie seront à prévoir. Des températures comprises entre 8 et 9 degrés le matin, entre 12 et 13 degrés pour mardi après-midi. Et mercredi, ce sera le retour des éclaircies, des températures comprises entre 4 et 5 degrés le matin. Et elles devraient être comprises entre 14 et 16 degrés mercredi après-midi. Voilà pour la météo. On fait maintenant un point sur l'actualité sportive. Les résultats sportifs. Et alors, en ce lundi matin, on va parler football, basket, tennis, Formule 1, boxe, cyclisme, hockey sur glace, handball et biathlon. Tout d'abord, en football, en Ligue 1, Saint-Etienne et le Paris Saint-Germain ont fait match nul, un but partout. Monaco s'est imposé 2-1 face à Nantes. Amiens s'est imposé 3-0 face à Caen. Angers-Strasbourg ont fait match nul, un but partout. Bordeaux s'est imposé 2-1 face à Lille. Guingamp s'est imposé 4-0 face à 3. Dijon s'est imposé 1-0 sur la pelouse de Toulouse. Nice et Rennes ont fait match nul, un but partout. Metz s'est lourdement incliné à domicile face à l'Olympique Lyonnais, 5-0. Metz est actuellement dernier du classement de Ligue 1. Et enfin, en dernier match de cette journée de Ligue 1, Marseille et Montpellier ont fait match nul, 0 partout. En National 2, Épinal s'est imposé 3-0 à Villefranche. Épinal est actuellement 9e du classement. Et Raon l'étape s'est incliné 2-0 face à Belfort. L'étape dernière de ce classement de National 2. Et ce soir, en Ligue 2, Nancy se déplace à Lens. Allez, on passe maintenant au basket. En Pro B, la défaite de Nancy, 63-70 face au club de Denain. En National 1, défaite du Jet Vosges, 69-78 face à Andrézieux. Et en National 3, victoire de Mirecourt, 75-72 face au club de Saint-Maur. Un mot de tennis maintenant avec la Coupe Davis et le quart de finale qui opposait l'Italie à la France. Et la France s'est qualifiée pour les demi-finales 3-1. Et c'est Lucas Pouille qui a donné le point de la victoire à l'équipe de France puisqu'il a battu dans la quatrième rencontre l'Italien Fabio Fognini. Et la France rencontrera en demi-finale l'Espagne, vainqueur de l'Allemagne 3-2. C'est David Ferrer qui a donné la victoire à l'Espagne en cinquième match face à Kohlschreiber. La demi-finale aura lieu du 14 au 16 septembre prochain. Pour le moment, on ne connaît pas encore le lieu ni la surface. Mais bon, mon petit doigt me dit que ça m'étonnerait quand même que la France choisisse la terre battue pour cette rencontre. Allez, des tournois cette semaine, notamment le tournoi féminin de Lugano où aujourd'hui Océane Dodin affrontera Vandjoutvank. Et côté messieurs, ça se passe à Marrakech où aujourd'hui il y aura un duel franco-français entre Benoît Paire et Gilles Simon. Emery lui affrontera Robredo et Richard Gasquet sera opposé à Fabiano. Un mot de Formule 1 avec le Grand Prix du Bahreïn et la victoire de Vettel devant Bottas et Hamilton. Le premier français, c'est Pierre Gasly qui s'est classé 4e. Et oui, vous m'avez bien entendu, un français s'est classé 4e d'un Grand Prix. Ce n'était pas arrivé depuis un petit moment. Esteban Ocon, lui, s'est classé 10e et Romain Grosjean, lui, a terminé 15e à un tour de Vettel. En boxe, la conquête de Tony Yoka continue avec sa 4e victoire samedi soir pour son 4e combat. Il est venu à bout de son adversaire par KO au 5e tour. Un mot de cyclisme avec le Paris-Roubaix et la victoire de Peter Sagan. Mais le Paris-Roubaix endeuillé après le décès du coureur belge Michael Gullertz, victime d'un arrêt cardiaque. En hockey, on commence avec les dames. Et c'était le début hier du mondial pour l'équipe de France qui, pour son premier match, a battu le Danemark 3-2. Et le Danemark n'était décidément pas à la fête ce week-end puisque côté messieurs, il y avait deux matchs amicaux contre le Danemark, un vendredi et samedi en match de préparation pour le mondial qui aura lieu au mois de mai. Et d'ailleurs au Danemark, eh bien la France s'est imposée par deux fois face au Danemark. Tout d'abord 4-2 vendredi soir et 4-0 samedi. Un mot de handball messieurs avec la Golden League et samedi. La France a décroché le match nul contre la Norvège, 29-29. Et hier, la France a battu l'Islande, 28-26. La France finit donc cette étape de Golden League invaincu. Et on termine avec une information concernant le biathlon et concernant Gabriela Kukalova qui a été absente toute la saison. Eh bien, elle manquera également la saison prochaine. Elle a déclaré en interview « Pour l'instant, je ne peux absolument pas m'imaginer revenir au sport un jour. Je ne veux pas abandonner car on ne sait jamais. Peut-être que le sport me manquera dans un an ou deux et je reviendrai. Mais maintenant, je n'ai plus envie de revenir. » Elle avait déclaré juste avant ça, les conditions dans lesquelles elle évoluait avec son équipe de République tchèque, des conditions un petit peu difficiles suite à sa blessure au mollet. Et voilà pour l'actualité sportive. On va maintenant marquer notre dernière pause musicale avec le chanteur Jesse McCartney et leur titre, et son titre, il est tout seul, hein, Just So You Know. I shouldn't love you, but I want to. I just can't turn away. I shouldn't see you, but I can't move. I can't look away. And I don't know how to be fine when I'm not. 'Cause I don't know how to make a feeling stop. Just so you know, this feeling's taking control of me. «